Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le passeport Nansen et la protection des réfugiés après la Première Guerre mondiale. Le passeport Nansen, justement, je crois qu'ils l'ont eu dans les pays baltes. Parce que donc du côté de maman, s'ils arrivent dans les pays baltes, c'est grâce à un faux passeport balte. Or, justement, le but du passeport Nansen était de rendre aux gens leur identité réelle. Et là, elles ont obtenu, est-ce que c'est à Riga ou à Vilnius, je ne sais pas très bien, elles ont obtenu le passeport Nansen, qui alors leur a permis d'aboutir jusqu'en Belgique et de s'installer en Belgique. Serge Petinski dans le documentaire Nansen, un passeport pour les apatrides, réalisé par Valentine Varela et Philippe Sada en 2016. En écoutant Serge Petinski, qui est un descendant de la noblesse pré-révolutionnaire, nous raconter l'histoire de ses grands-parents, on comprend très bien l'utilité qu'a eu ce passeport Nansen pour tous ceux qui ont dû fuir leur pays à la suite de la Révolution russe de 1917 ou après la Grande Guerre de 1914-1918, qui a vu quatre grands empires s'écrouler et de nombreuses frontières être redessinées. Créé en 1922 par la Société des Nations, le passeport Nansen est probablement la première véritable mesure de protection des réfugiés dans l'histoire du droit international. À la fin de 1920, 1,5 million de Russes ont fui leur patrie pour frapper aux portes des différents pays d'Europe. C'est un véritable déferlement. L'Allemagne, la France sont les destinations privilégiées choisies par la moitié d'entre eux. Mais c'est à Constantinople, dans la capitale de l'Empire ottoman, que leur situation prend les dimensions d'un drame humanitaire. C'est là qu'affluent et demeurent les centaines de milliers de soldats des armées blanches défaites et leurs familles. Ils s'entassent dans des camps de fortune, disséminés tout autour de la ville. Leur arrivée à Constantinople coïncide de surcroît avec le moment où les nationalistes turcs chassent les minorités orthodoxes de l'Empire ottoman. Les Russes, eux-mêmes orthodoxes, ne sont pas les bienvenus. Les réfugiés russes sont pris en charge par la Croix-Rouge. Mais très vite, la Croix-Rouge constate qu'elle ne peut faire face toute seule à l'ampleur du problème. Elle alerte, par télégramme, les diplomates de la Société des Nations qui décident de créer le poste de haut-commissaire aux réfugiés russes et nomme pour cela Fridtjof Nansen. Le choix de Nansen comme haut-commissaire pour les réfugiés est lié à la réussite du programme de rapatriement des prisonniers de guerre dont il avait la charge préalablement. C'est aussi que les questions humanitaires à la Société des Nations peuvent être prises en charge par les petits États. Donc accorder ce poste humanitaire à un représentant d'un État nordique convient tout à fait aux grandes puissances. À nouveau, un extrait du documentaire Nansen, un passeport pour les apatrides. Pour nous raconter l'histoire du passeport Nansen, j'accueille Carl Bouchard, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, quelle importance il a, Carl Bouchard, ce fameux passeport Nansen, dans l'histoire du droit international, de la protection des réfugiés également? Oui, bien, on l'a entendu à travers les extraits, hein. C'est un peu un jalon dans le droit international, dans la mesure où ça constitue la première prise de conscience, mais aussi la première prise en main, en fait, d'un problème qui, on le voit après la Première Guerre mondiale, marque les esprits, puis va juste enfler au cours du siècle, mais c'est celui des réfugiés. Et c'est la reconnaissance, en fait, juridique du statut des réfugiés et celui des apatrides aussi. Et à partir de là, durant les décennies qui vont suivre, les États vont chercher et parfois difficilement, des solutions sur la gestion d'un problème qui est encore aujourd'hui criant d'actualité. Il suffit de penser, par exemple, à la crise des migrants qu'on vit actuellement. Oui. Ouais. Donc, première étape importante. Un mot sur le contexte dans lequel il est créé, ce passeport Nansen. Mm-hmm. On l'a un petit peu évoqué, mais il est officiellement créé en 1922. Pourquoi? Dans quel contexte crée-t-on ce passeport? Oui, encore une fois, les extraits le montrent bien. C'est au terme de la Première Guerre mondiale, les quatre empires se sont effondrés, l'Empire russe, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Et avec la fin de ces empires, c'est la redéfinition des frontières qu'il faut qu'on envisage. Et cette redéfinition, elle se fait de deux façons. D'une part, il y a les vainqueurs de la guerre qui vont s'entendre en 1919, 1920, puis jusqu'en 1923 sur la redéfinition des frontières. Mais il y a aussi des rapports de force sur le terrain qui permettent à certains peuples de prendre possession d'un espace et puis de délimiter les frontières de façon plus concrète. Et cet enjeu devient important parce que avec cette redéfinition de frontières, on se retrouve avec des individus ou des groupes qui soudainement perdent leur citoyenneté Et parce qu'aucun État ne les considère comme citoyens, et donc ils deviennent apatrides, des sans-patrie, donc ils n'ont pas de statut juridique, et sont à ce moment-là soumis à un arbitraire hein, des pouvoirs politiques. Et puis en parallèle, pour en rajouter une couche, si je puis dire, il y a à ce moment-là aussi, enfin, l'apparition, le passeport devient un document d'une importance qu'il n'avait pas jusque-là. Oui, absolument. C'était avant la Première Guerre mondiale, le régime des passeports n'existait pas officiellement. Donc, les États pouvaient fermer leurs frontières dans les moments de crise, par exemple, ou avoir un certain contrôle aux frontières, mais il n'y a pas de document qui permettait véritablement d'organiser et d'uniformiser le mouvement des personnes. Pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des États belligérants, et puis par la suite, ça s'est généralisé, ont institué un système de visa et de passeport pour justement contrôler leurs frontières. Et puis, les États ayant hein, très, très peur du vide, à partir du moment où le système a été mis en place, eh bien là, on a décidé de le rendre permanent. Et après la guerre, eh bien, les passeports continuent. Ce qui fait que ça réduit considérablement la mobilité des personnes entre les frontières. Oui. Alors, ce passeport, le passeport Nansen, il doit son nom à un Norvégien, Fridtjof Nansen. Il faut dire que ce bonhomme-là, qui va être représentant de son pays à la Société des Nations à partir des années 20, il est déjà très, très connu. C'est un héros national en Norvège au moment où il crée le passeport qui porte son nom. Écoutez cet extrait. L'explorateur et naturaliste norvégien Fridtjof Nansen, de 1893 à 1896, vécut l'une des plus remarquables aventures polaires de l'histoire. Après avoir longtemps étudié le problème, je suis arrivé à la conclusion suivante. La plus sûre façon de gagner le pôle serait d'ancrer le navire sur un point choisi du périmètre glacé, laissant les courants le faire dériver de plus en plus au nord. Cet été de 1893 est superbe. Nous n'aurons sans doute aucune difficulté à remonter jusqu'aux îles de la Nouvelle-Sibérie. Et c'est là-haut que le Fram, signifiant en avant, solidement ancré, va commencer puis poursuivre sa très longue dérive nord-ouest. Sous la direction d'Otto Sverdrup, l'équipage se plonge dans l'étude de l'océanographie pendant une quinzaine de mois, tandis que Nansen commence à s'énerver. Il faut en convenir, le Fram ne semble guère vouloir dériver plus au nord que par 83 degrés de latitude. Le 14 mars 1895, Nansen et son compagnon Johansen s'élancent en traîneau droit sur le pôle. Trois semaines plus tard, le 8 avril, Nansen juge plus prudent de faire marche arrière. Les deux hommes en ont assez de manger du chien. L'hiver les surprendra quelque part dans les îles de François-Joseph. Ils le passeront dans une hutte se nourrissant de viande de phoque et d'ours blancs. Au printemps de 1896, alors qu'ils s'apprêtent à regagner les îles russes en kayak, Nansen et Johansen sont recueillis par l'expédition britannique de Jackson Harmsworth en train d'explorer les îles de François-Joseph, histoire d'en découvrir une s'y tirant jusqu'au pôle. Extrait de l'émission Documents diffusé en 1980. Le passeport Nansen doit donc son nom au Norvégien Fridtjof Nansen, qui est en quelque sorte le père, l'instigateur du passeport. Et on vient de l'entendre, Carl Bouchard, il n'a pas une vie particulièrement banale, Fridtjof Nansen. Un mot quand même sur lui, ça vaut le détour. Qui est-il? Oui, ben c'est donc Norvégien, c'est un héros hein, dans son pays déjà. Il est mondialement connu, puis on le voit à travers cet extrait, notamment pour ses explorations polaires. Mais c'est avant tout un sportif. Hein, ça a été un sportif de haut niveau en ski, en patin, déjà très connu dans son pays, puis qui par la suite va atteindre donc dépasser d'autres frontières avec ses exploits comme chercheur. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé en océanographie. C'est un biologiste, un géologue. Il a été versé en médecine. Donc, un peu le genre d'homme complet là, qu'on peut connaître au début du 20e siècle. Un scientifique global, disons, comme l'époque pouvait le faire. Oui. Mais en même temps, c'est aussi un homme qui s'est impliqué au niveau intellectuel. Hein. Il a pris position sur des enjeux politiques nationaux, internationaux. Il est tout de suite un fervent internationaliste et il sera président de la Ligue norvégienne pour la Société des Nations. Et c'est à ce titre donc, qu'il sera notamment nommé délégué de la Norvège à la Conférence de la paix. Alors vraiment un homme hein, plus grand que nature du début du siècle. Oui. Bon, il est donc déjà à la Société des Nations comme représentant de la Norvège. Comment, cela dit, en vient-il à créer le passeport Nansen, Carl Bouchard? Oui. Ben, déjà, il est, à la fin de la guerre, chargé par la SDN, on l'a entendu dans l'extrait, de chapeauter le rapatriement, hein, de gérer la question de la révolution russe et des réfugiés. Il va notamment gérer le rapatriement des prisonniers de guerre qui sont en Russie, et c'est près de 500 000 personnes, hein, qui vont revenir en Europe médiane. Donc, il a déjà un rôle, actif au niveau de la SDN. Il va devenir le premier médiateur, disons, entre la Russie bolchevique et les puissances victorieuses de la guerre. Et c'est dans ce contexte-là, hein, que son poids dans la SDN devient de plus en plus important. En 21, il sera nommé donc haut-commissaire pour les réfugiés. C'est à lui que va revenir la tâche donc de gérer l'extraordinaire problème né de la Première Guerre mondiale, hein, qui va créer presque 10 millions de réfugiés. Et c'est une époque où il n'y a aucune norme internationale. Donc, il faut que les pays s'entendent sur cette question-là. Et c'est dans ce contexte qu'on va créer l'Office national pour les réfugiés, qui va servir à quoi? Ben, tu sais, par exemple, à des soins de santé pour les réfugiés, l'éducation pour les enfants, hein, qui quittent leur pays. Donc, des structures qui permettent donc à ces réfugiés de garder un peu de dignité dans ce contexte. Et ça fonctionne avec des moyens extrêmement réduits. À l'époque, Nansen paye lui-même ses déplacements quand il va d'un pays à l'autre. Et en fait, les nations ont très peu d'intérêt dans un premier temps pour cette question parce qu'ils sont trop préoccupés de s'occuper de leurs propres ressortissants dans un contexte de reconstruction d'après-guerre. Donc, il y a un peu une, dans ce cas-ci, une concurrence des victimes, hein, qui est le plus en état d'urgence. Et tout le travail de Nansen, ça va être de convaincre les autorités qu'il faut s'occuper de ces gens qui ne sont pas une priorité pour personne. Oui. Et c'est à partir de là, donc, qu'il va essayer de monter des sous, notamment avec des organismes comme la YMCA, par exemple, aux États-Unis, la Croix-Rouge, le Bureau international du travail. Et puis, par la suite, ben, avec son travail et son équipe, on va organiser des conférences internationales. Ce sera le cas en 1921-1922, où là, on va commencer à établir le principe du certificat d'identité. Et puis, dans les années qui vont suivre, en 1926-1933, on va peu à peu construire, hein, la structure juridique pour la protection des réfugiés grâce au travail de Nansen. Ouais. Et le passeport, il est, lui, officiellement créé en 1922, le passeport Nansen. À quoi ça ressemble concrètement, ce passeport-là, Carl? Comment on l'obtient? Ouais. Qu'est-ce qu'il permet à son détenteur aussi? Oui, ben déjà, il faut lever une équivoque, hein, tout de suite. Ce n'est pas un passeport officiellement. À l'époque, ça s'appelle un certificat Nansen. Oui. Et ça restera, hein, dans le langage courant, le mot passeport va rester. Et en fait, c'est encore aujourd'hui le terme qu'on utilise pour ce document, hein, que l'Organisation des Nations Unies émet encore aujourd'hui. On parle couramment encore du passeport Nansen. C'est un titre de voyage, en fait, pour les réfugiés. Donc, c'est un document qui, à l'époque, est rédigé en français, qui est encore, hein, la langue diplomatique internationale, même si elle est concurrencée par l'anglais après la Première Guerre mondiale. Et elle est aussi, le document est aussi produit dans la langue du pays qui va l'émettre. Oui. Et pour obtenir le certificat, le réfugié va passer devant une commission d'examen qui est composée de fonctionnaires, puis qui est composée aussi de représentants des exilés du même pays que lui. Et son passeport, il est délivré pour 2 ans, et puis ensuite, il est renouvelable donc dans les années qui vont suivre. Et l'objectif, hein, on le comprend, c'est d'avoir un minimum de protection et d'éviter l'arbitraire des autorités dans la gestion, hein, des personnes apatrides. Ce qui fait qu'on va éviter, grâce à ce document, qu'un réfugié ne soit expulsé et envoyé d'un pays à l'autre. Et ça, c'est justement, je parlais tout à l'heure de cette question de la dignité, c'est un peu ça, hein, c'est de garder une identité autour d'une personne, hein, inscrite à une personne, même si on traverse une frontière, même si des États ne nous reconnaissent pas. Mmh. Évidemment, ça, c'est une solution imparfaite, on en parlera sans doute, mais c'est un début de solution qui est extraordinaire. Oui, le début de solution est solution imparfaite parce que le début de solution, c'est qu'il y a une espèce de statut juridique, on protège, c'est une première, on protège les réfugiés dans cette période où il y en a tant, mais partiel comme solution parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et le fameux passage aux frontières. Puis ça, ben, encore une fois, vous disiez à quel point cette question de la protection des réfugiés est encore actuelle aujourd'hui, Carl Bouchard. L'histoire se répète parce que, encore une fois, à l'époque, il y a un passeport qui existe, le passeport Nansen, mais les gens qui détiennent ce passeport-là se butent parfois à de sérieux problèmes quand il s'agit de transiger avec un frontalier, un garde-frontière. Oui. Absolument, parce que c'est effectivement une solution partielle, parce que les États, évidemment, signent avec hein, dans le fast et avec la main sur le cœur les ententes lors des conférences. Mais après, sur le terrain, hein, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on s'aperçoit très rapidement qu'on hésite en fait à accepter ce titre. Le certificat est souvent refusé par des agents d'immigration hein, qui reconnaissent pas le document et surtout qui, des fois inspirés aussi par les propres autorités politiques, entrent un peu dans un discours de crainte, hein, de crainte que de cohortes de réfugiés arrivent sur leur territoire et que si on se met à les accepter, eh bien, on va être submergé par les réfugiés. Et comme aujourd'hui, hein, les rumeurs autour de l'immigration associent les réfugiés aux criminels, aux anarchistes, aux communistes, aux fauteurs de troubles, hein, les réfugiés russes, qui sait si ce n'est pas plutôt un bolchevique hein, qui vient de façon sournoise entrer dans notre pays. Et donc, le certificat Nansen, il ouvre en principe des frontières, mais la réalité, en fait, est beaucoup plus triste, en fait, beaucoup plus dramatique. Oui. Parliez du réfugié russe qu'on soupçonne parfois d'être bolchevique. On peut dire, Karl Bouchard, que dans un premier temps, en tout cas, ce sont eux les premiers bénéficiaires du passeport Nansen, ces réfugiés russes. Oui. Oui, absolument. Ils sont très nombreux. Hein. Les chiffres sont, comme c'est souvent le cas avec la Russie, les chiffres sont flous. Hein. On ne sait pas exactement combien de gens, mais c'est entre 1 million et 2 millions de personnes qui ont quitté la Russie dans le contexte de la Révolution. Ça montre aussi l'impact hein, de la Révolution bolchevique dans les esprits à l'époque hein, et la peur que ça génère aussi dans le monde occidental, parce qu'on a... notamment à travers cette aventure qu'on a géré, cette question des passeports, qu'on a mis en place cette question des passeports. Et ce qui se passe en fait, c'est que à la fin décembre 21, le pouvoir bolchevique révoque par un décret la nationalité de tous les émigrés qui ont quitté la Russie avant justement ce décret. Et ça vise donc essentiellement ceux qui sont partis après la révolution bolchevique de l'automne 1917. Et donc ils deviennent tout à coup apatrides. Oui. Alors on aura à la fois une masse de paysans qui ont quitté la Russie pour des raisons très concrètes, hein, souvent la famine, et puis de l'autre côté, l'ancienne élite russe contre-révolutionnaire qui s'oppose à la révolution, qui, elle, va partir, et souvent en France et en Allemagne. Le problème, c'est que ces réfugiés russes, ils sont doublement apatrides, parce que d'une part, ils perdent leur citoyenneté à cause du décret bolchevique, mais en même temps, le gouvernement bolchevique, lui, n'est pas reconnu par les puissances occidentales. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment une situation particulièrement insoutenable pour eux. Et donc, ces réfugiés, on va les retrouver en France, en Pologne, en Serbie, à Constantinople, comme on l'a raconté dans l'extrait au début. Beaucoup vont partir en Allemagne, jusqu'en Chine. Mais on aura aussi des Polonais, par exemple, de Russie qui vont fuir le pays après la guerre russo-japonaise. Ouais. Le passeport va aussi servir aux chrétiens de l'Empire ottoman, par exemple les Grecs orthodoxes, les Arméniens hein, qui vont subir le génocide pendant la Première Guerre mondiale. Des Assyriens, qui sont aussi une minorité donc chrétienne, persécutée dans l'Empire ottoman, qui vont obtenir aussi leur certificat en 1928. Donc, un ensemble de groupes hein, qui, au fil des années, donc est ciblé par les autorités d'un pays et puis vont être, dans une certaine mesure, prises à charge par la Société des Nations, même si, encore une fois, ça reste très, très, très partiel comme solution. Ouais. Et en tout, en fait, il y aura près d'un demi-million de passeports Nansen qui seront émis jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres, 1938-1939. Donc, ça donne une bonne idée des remous politiques, hein, qui ont été occasionnés par la fin de la Première Guerre mondiale et puis ouais. durant l'entre-deux-guerres. Et puisque les réfugiés russes sont... C'est probablement le plus gros contingent de réfugiés ouais. qui profiteront du passeport Nansen. On écoute à nouveau un extrait du documentaire de Valentine Varela et Philippe Sada, « Nansen, un passeport pour les apatrides », qui nous décrit cette vie de la communauté russe qui va se développer à Paris grâce, entre autres, au passeport Nansen et puis qui va nous permettre, dans un instant, Karl Bouchard, de parler de l'impact qu'aura eu réellement ce passeport Nansen pour, entre autres, ces réfugiés russes dont certains sont très célèbres à l'époque. Des restaurants, des cabarets russes surgissent dans la nuit parisienne et provoquent l'engouement. Mais c'est grâce aux innombrables artistes venus de Russie et devenus apatrides que l'Occident prend conscience du déracinement vécu par ces exilés forcés. Officiellement déchus de leur nationalité, titulaires d'un passeport Nansen, ils restent russes. Parmi eux, les compositeurs Serge Prokofiev, Igor Stravinsky, Serge Rachmaninov, la danseuse Anna Pavlova, les peintres Nicolas de Staël et Marc Chagall, les écrivains Ivan Bounine, Nina Berberova et Vladimir Nabokov, qui écrivaient dans l'une de ses lettres Mère, il faut que nous revenions. Il le faut. Il n'est pas possible que tout cela soit entièrement mort, retourné en poussière. Il y aurait de quoi devenir fou. Ne pas avoir un coin à soi est tout bonnement une torture. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, Carl Bouchard, ça nous permet de mesurer l'importance que va avoir le passeport Nansen. On peut presque parler, Carl, d'une importance, au regard de ce qu'on vient d'entendre, d'une importance civilisationnelle. Oui, absolument. Et puis l'extrait est très beau, hein, parce que c'est aussi tout le déchirement du départ, hein, de l'exil, et puis de cet espoir permanent du retour dans son pays. Mais surtout, ce qu'on voit à travers cette liste, hein, qui a été énumérée, c'est, je veux dire, l'importance culturelle aussi. Hein, ce sont des très très grands artistes qui ont fait le siècle, hein, qui ont bénéficié de ces passeports. Et là, on peut rajouter à ça Robert Capa, par exemple, hein, qui est né en Hongrie, dont les clichés, hein, autour notamment de la guerre d'Espagne vont faire le tour du monde. Et ça peut aller jusqu'à, par exemple, Aristote Onassis, hein, un grec de l'Empire ottoman qui va devenir un richissime armateur et mondialement connu dans les années 50-60, notamment avec sa relation avec Jackie Kennedy. Donc, des gens qui ont fait le siècle, hein, qui sont des figures marquantes, qui ont bénéficié de ce type de passeport, et puis qui, qui ont retrouvé une dignité à travers ce document-là qui leur a permis de, malgré l'exil, malgré le départ, malgré le déchirement, bien, de continuer, hein, leur vie dans un autre pays. Donc, c'est vraiment quelque chose de majeur, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient, le passeport Nansen, après la Seconde Guerre mondiale, Carl Bouchard? Oui, c'est fascinant, hein, parce que ce qu'on considérait comme un problème temporaire après la Première Guerre mondiale va en fait devenir de plus en plus permanent et récurrent au cours du siècle. Donc après 1945, on va s'intéresser à l'enjeu, non seulement d'un point de vue collectif, parce que c'est le cas aussi, c'est le cas dans l'entre-deux-guerres, ce sont que des peuples, hein, et des nations qui sont visées par le passeport Nansen. Après 1945, on va s'intéresser au niveau individuel. Et là, c'est vraiment la question du réfugié comme individu et non pas comme partie d'un groupe. Et en 51, à Genève, la conférence sur le statut des réfugiés va mener à la convention, donc à la signature de la convention relative au statut des réfugiés. Et donc, c'est 145 États qui vont signer ce document. Et là, on peut dire là, qu'on entre dans une nouvelle échelle là, de la reconnaissance de ce statut, même si on le sait, hein, 100 ans plus tard, ça reste une réalité encore plus importante, hein, d'une très, très grande actualité. Aujourd'hui, c'est moins le problème des apatrides, même s'il en existe encore, hein, autour de 4 millions sur la planète, selon les chiffres les plus récents, mais c'est celui de la gestion de réfugiés qui sont maintenant à plusieurs niveaux, hein, des réfugiés politiques, idéologiques, environnementaux, de plus en plus nombreux, qui cherchent, hein, à rebâtir leur vie dans un autre espace. Ouais. Carl Bouchard, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, ami de l'émission. Merci beaucoup, Carl. Avec grand plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.